Épisode 2. Vendredi, l'enquête est déjà finie. Jamais. Il se cogne contre la porte. Il faut reconnaître que le bureau est étroit, même pour un mois d'octobre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rasta machin, là ? Pasta. Rasta pasta ? Non, Riz, madame. Pastafari. Si vous le dites. Donc ? Je me suis renseigné sur le sujet. C'est une religion. Enfin, pas vraiment une religion, c'est une parodie, en fait. C'est plutôt intéressant d'ailleurs, parce que c'est un Américain qui... La chef l'interrompt d'un geste de la main souligné par le froissement délicat de sa chemise de flanelle mauve. 90% synthétique, 10% mauve. Oui, donc rien de sérieux, c'est un cul-de-sac, c'est tout ce que je voulais savoir. Oui, enfin quand même, il y a les trucs sur le type du machin. Je crois que ce que Karim essaye de dire, c'est qu'il y a des menaces sur le député de la Palice et ses crèches. La chef lui jette un regard tellement noir... qu'on l'entend à des kilomètres à la ronde. Écoutez, Razzoni, j'apprécie votre implication dans cette enquête de haut vol. Néanmoins, il vous aura pas échappé que pour ce qui est des menaces, on a connu plus inquiétant qu'un nez de clown sur une photo et une collection de nouilles instantanées en sachet. Le nez de clown, je dis pas, d'autant que notre cher député le porte plutôt bien. Mais je vous parle des photos qu'on a trouvées dans le double fond du placard. J'en reviens toujours pas de ce double fond. Des photos qui ont été prises devant son domicile et à la sortie de son bureau. Et tous ses horaires notés derrière. C'est quand même pas anodin, ça. De la Palice reçoit des menaces quotidiennement depuis qu'il s'est mis en tête d'imposer ses racines chrétiennes à tout le monde. Il bénéficie déjà d'une protection policière, donc c'est pas une bande de zouaves pastafaristes. Rien. Quoi, rien ? On dit pastafarien, pas pastafariste, je sais pas trop pourquoi. Bon, allez, dehors, tous les deux. Bah tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Tu m'as dit qu'on allait se faire humilier et que c'était ma deuxième pire décision de la journée. Exactement. Et c'était quoi la première ? Oula, vous êtes sur les nerfs. Elle a essayé de vous tuer ou quoi pour que je vous fasse peur comme ça ? Bah franchement, c'était pas loin. Bon non, j'ai pas eu peur. Bon alors, c'était quoi ? Une bande de types qui vénère un dieu spaghetti volant et qui menace potentiellement le député de la Palice. Hein ? Non mais... Je demandais ce que c'était la première pire décision de la journée. M'obliger à venir avec lui enquêter sur une bande de types qui vénère un dieu spaghetti volant et qui menace potentiellement le député... Ben n'empêche que je maintiens qu'il y a un truc derrière tout ça et qu'on devrait se méfier quand même. Et moi je maintiens qu'ils m'ont donné faim les pastafariens. Les quoi ? T'as mangé ? Non, pas encore. On va manger, je te raconte. Tu viens avec nous ? Non, j'ai pas faim. Je vais... Ok, fais ça. Tu viens ? Allez. Je vais bien trouver une explication à tout ça. C'est important de se rendre compte qu'au commissariat, c'était toujours la même chose dès que j'avais une intuition. Razzoni, laissez tomber. Razzoni, faites ce qu'on vous dit de faire. Razzoni, arrêtez de mettre des perroquets en examen, ça n'amuse plus personne. Mais pas cette fois, bon sang. Pas cette fois. J'avais trouvé un placard à double fond, nom de Dieu. C'était le plus grand événement de ma carrière depuis l'affaire de l'ours dans la 4L. Mais ça, c'est... Ouais, non, ça, c'est une autre histoire. Il fallait que j'en tire quelque chose. Évidemment, à première vue, il n'y avait absolument rien à en tirer. Mais l'expérience m'a appris que c'est dans ces moments-là qu'il faut redoubler d'efforts et ne surtout pas se laisser abattre. Pasta. Pastafarisme. Pasta. Allô ? Allô ? Oui ? C'est vous qui avez trouvé les réserves de rosée ? Quoi ? Je vous entends très mal, monsieur. On dirait qu'il y a quelque chose devant votre bouche. C'est pas une écharpe, peut-être ? Est-ce que vous pourriez l'enlever ? Oui. Oui, comme ça, c'est mieux. Ah bah oui, c'est mieux, oui. Je vous écoute. Ah, très bien. Donc, je disais, c'est vous qui avez trouvé notre réserve de ramen. Votre réserve de ra... Ah, c'est vous ? Non, non, c'est pas moi. C'est pas vous qui, quoi ? C'est pas moi que vous recherchez. Non, mais je recherche personne. Alors pourquoi vous m'appelez ? Mais c'est vous qui m'avez appelé. Moi ? Oui, oui, absolument. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? J'ai des informations pour vous. À quel sujet ? Comment ça, à quel sujet ? Je vous l'ai dit, les ramen, les sabres de bois, la sauce bolognaise. La réalité n'est pas ce qu'elle paraît. Écoutez, j'ai déjà eu une longue journée, alors si vous pouviez en venir au fait... Mais oui, mais pas au téléphone, on pourrait nous entendre. On pourrait, nous ? Alors, j'ai déjà moi-même du mal à vous entendre, donc je doute que qui que ce soit d'autre puisse comprendre un seul mot de ce que vous ne me dites pas. Oui, mais... Bon, j'ai autre chose à faire. Au revoir, monsieur. Ah, non, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je sais des choses. Je vous dirai tout. Vous ne serez pas déçus seulement, et il faut que je vous le dise en face. Bien, c'est très simple. Le commissariat est sur la place de la mairie. Vous entrez, vous montez le petit escalier, il y a une porte à votre gauche, vous la prenez pas, vous allez tout droit, deuxième porte à droite, et vous demandez le lieutenant Razzoni, c'est moi. Non, pas le commissariat. Non, je ne préfère pas. Ah bon ? Pourquoi ça ? Le lieu ne s'y prête pas. Le lieu est fait pour ça. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les pastafariens ou sur ce qui se prépare, retrouvez-moi au parking souterrain du centre commercial, deuxième sous-sol, au niveau du repère J bleu, demain soir à 19h. Ah, adieu. Non, moi ça m'arrange pas demain soir. Après-demain, plutôt ? Dimanche... Non, je dois emmener les gosses au... Non, dimanche soir, impossible. Un temps. Matteo est assez fatigué ce soir. Vivement le week-end. Lundi. Lundi 20h, dans le parking souterrain du centre commercial, deuxième sous-sol, au niveau du repère J bleu. Oh, et puis merde, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ok pour lundi. Ouais, oh, super. À lundi. Au revoir. À lundi. Voilà. Je venais probablement de prendre ma troisième pire décision de la journée.